Bonjour, bon dimanche, c'est Michel Monnette au micro. Je vous salue d'où que vous soyez, du Québec, du reste du Canada, de l'Amérique, surtout du Brésil, de l'Europe, de l'Asie, enfin de partout à travers le monde. Surtout du Brésil, parce que le Brésil, c'est un pays aux multiples facettes, c'est un véritable puzzle culturel et musical. Si vous vous intéressez le moindrement à la musique brésilienne, vous êtes à même de le savoir. C'est un pays aussi qui cristallise tous les clichés exotiques qu'on y projette, même si la musique brésilienne nous fascine depuis longtemps. En effet, on la connaît mal en général. Les artistes y sont célèbres, ne la représentent que partiellement. Le phénomène date d'il y a longtemps déjà et se poursuit jusqu'à aujourd'hui à travers toutes les compilations discographiques qu'on peut nous présenter. Hein, la meilleure symbole, la crème du lounge brésilien ou tout autre chill out made in Brazil, donnant de la musique brésilienne une image très réductrice. Aujourd'hui, même si les genres musicaux nationaux incluent leur rock national, leur rap national, etc., etc., aux côtés du coro et de la samba, la réalité de la musique brésilienne est plus que jamais complexe et multiple. Comme si les frontières n'avaient plus lieu d'être, la musique brésilienne est à la fois une métaphore de toutes les musiques du monde, un labyrinthe sonore et un laboratoire du futur. Parlant de laboratoire, justement, on va revêtir notre sarrau de laboratoire pour écouter un des artistes les plus singuliers de ce pays, Rômulo Froes. L'album vient à peine de sortir, il s'appelle Barolo Feio. On va se faire plaisir, on va écouter trois pièces de Rômulo Froes. Nao Amas Deruda, Na Minha Boca et Pra Comer. À tantôt. Caso muito raro, eu sei. Eu não tô nem aí. Passou a sua vez. minha boca, na sua cara, nos olhos dela, a cópia clara, ácido lento, na tatuagem, um céu cinzento, outra paisagem. Não tem futuro que eu não sei. Uma hora e meia já passou. Um teto branco de ninguém. Na área interna onde estou. Na cara um rio que nasceu lá. No fundo o casco da cabeça. Lá fora o piso, a sala, o altar. Um furo, um rasgo que amanheça. Meu corpo em febre no mostruário. Que chove em prantos. Copo de aquário. Eu sou veneno. A margem seca. Passa tempo, desapareça. O traço esconde sua cor. Censura os olhos da mulher e joga fora o condutor. Em um instante que não quer que me esqueça. Na areia, castelo em caixa de sabão. De verde a rua beira a linha. E vem a sombra do avião. Na minha boca, na sua cara. Nós não temos fome, nós sabemos ver o que há de bom pra se comer. Vou sobrevoando a multidão. Lá de cima o lixo é um corpo só. Nós não temos pressa, nós sabemos ver o que há de bom pra se comer. Nós não temos fome. nós sabemos ver o que há de bom pra se comer. Vou sobrevoando a multidão. Lá de cima o lixo é um corpo só. Nós não temos pressa, nós sabemos ver o que há de bom pra se comer. Pra comer, se lamber e voar pro sol. Pra déstabilisant comme musique, n'est-ce pas? On a l'impression que chaque musicien joue sa propre partition et pourtant tout cela se tient. J'ai écouté l'album au complet, Barolo Feio, tout simplement parce que j'étais incapable de cesser de l'écouter. C'est fabuleux. Je vous incite à en faire autant. Le groupe qu'on va entendre maintenant s'appelle Baleia, Banda Baleia. C'est un groupe qui s'est fait connaître il y a près de 3 ans en toilettant, en maquillant, en déguisant de pied en cap des grands tubes de la musique pop internationale. Par exemple, Toxic de Britney Spears, What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake. Depuis, ils ont gagné de l'espace sur la scène indépendante brésilienne grâce notamment au lancement de leur premier album Quebra Azul en 2013. On y retrouve un mariage de pop, de jazz assez peu exploré par la musique brésilienne avec quelques compositions plus audacieuses, des paroles simples et poétiques. On va écouter une seule pièce de cet album, mais toute une pièce puisqu'elle dure 10 minutes 38. Despertador. Baleia. Thank you. C'était Despertador de Baleia. On n'aura pas le temps de l'écouter au complet parce que je vais vous présenter un autre artiste brésilien, Lucas Santana. Dire avant, auparavant, que les artistes brésiliens autoproduisent et offrent leurs albums en téléchargement gratuit depuis longtemps. Bon à savoir, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce que les maisons de disques sont pratiquement inexistantes au Brésil, mais aussi parce que les labels sont peu nombreux, les médias sont mafieux. Tout cela fait en sorte d'obliger les musiciens à vivre de leurs concerts, donc ils distribuent leur musique pour qu'on les découvre et qu'on ait le goût de les inviter à faire des concerts et qu'on ait le goût aussi d'aller les voir en concert. Lucas Santana maintenant. Lucas Santana, c'est un fer de lance, un des fers de lance du renouveau de la musique brésilienne. Il est baianais, il est devenu carioca d'adoption. Il a commencé à la flûte traversière, c'est un adepte du simple, il s'amuse à déstructurer pour reconstruire ses mélodies mélancoliques. Il fait la synthèse électroacoustique de musique traditionnelle brésilienne, de la pop, de l'électro, du beep, hip-hop. Après Deus, que devasta mas tambem cura en 2012 et d'innombrables productions dévoilées sur le net, donc il est retrouvé. Ça s'écrit S-A-N-T-T-A-N-A en passant, Lucas Santana. Lucas Santana vient de sortir en octobre dernier son nouvel album Sobre Noites e Dias sur le label No Format. C'est vraiment bon, l'album, un peu comme celui de tantôt que je vous ai présenté de Romulo Froes, Barolo Feio. Celui-là aussi, il est à écouter au complet, tellement il est bon. On va écouter Let the Night Get High. C'est en anglais le titre de la chanson, mais c'est en portugais qu'il chante. si lo deseas, piensa como un hombre y prende fuego. C'était Let the Night Get High de Lucas Santana, S-A-N-T-T-A-N-A. C'est tiré de son album paru en 2014, Sombre Noites et Dias. Vous n'avez pas eu le temps de noter le titre des pièces, le titre des pas non, vous ne vous rappelez plus non plus des artistes que je vous ai présentés jusqu'à présent dans l'émission. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net, Les Oreilles Ailleurs en un seul mot, .net. Et un petit peu plus tard dans la journée, peut-être quoi, une heure à deux après la fin de l'émission, vous aurez toute l'information sur tout ce que j'ai fait jouer aujourd'hui. Vous pouvez même y aller dès maintenant et vous allez retrouver ce que j'ai fait jouer dans les semaines précédentes. Au retour de la pause, je vous présente Cacá Machado, un acteur multiculturel inclassable de Sao Paulo. Je voudrais vous remercier de m'avoir supporté. Grâce à vous, j'ai pu soulever la coupe et y boire de nombreuses fois. Puis là, ben, je peux me retirer un vrai gagnant. Juste ici, c'est là, chez nous. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Puis surtout, si tu veux en avoir dans ton char, tu comprends-tu? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la fête de Noël? Une redécouverte fulgurante de vos fonctions biologiques? Une relecture attentive de vos vieux sélections du Reader's Digest? Une angoisse profonde, hashtag consommation, hashtag famille, hashtag l'amour? Cette année, votre emballage, votre cuisinage, votre ménage, votre décorage, votre mangeage, votre buvage, votre énervage, ça va se passer à CKRL. Claude Brindamour, Denise Leclerc et Sophie Pomerleau présentent une émission de Noël qui enneigera votre cerveau, le rendant prêt à se tourner vers le petit Jésus. Entre trois gorgées de brandy, dimanche le 21 décembre à 13h pour tout l'après-midi. Il y a 39 chansons déclinées en 4700 versions. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écoauthentique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écoauthentique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écoauthentique.com. Pour une troisième année, la Ligue québécoise l'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Le nom de cette supernova-là, les dentelles du cygne, est nommé ainsi parce que la supernova est en forme de dentelle. À la manière des anges, Mara Tremblay a senti secret mardi 16 décembre à 10h. Et je trouvais ça magnifique d'avoir cette espèce de connexion entre la supernova, qui est ce qu'il y a de plus chaud puis de plus ombre, et le symbole de l'amour. Vous êtes sur les ondes de... C'est KRL 89.1 à Québec. Vous écoutez toujours Les Oreilles Ailleurs. Michel Monnette au micro. Je vous ai dit que je vous présentais quelqu'un qui est un acteur multiculturel inclassable, comme il en existe plusieurs, semble-t-il, à Sao Paulo. Il est historien, chercheur musical. Il a écrit des ouvrages sur Ernesto Nazareth et Antonio Carlos Jobim. Il a été aussi curateur de nombreuses expositions importantes et producteur de 2 albums du guitariste et directeur de l'Orchestre symphonique de l'État de Sao Paulo, Artur Nevtrosky. Kaká Machado est guitariste, chanteur. Il a déjà composé de nombreuses bandes sonores pour le théâtre, pour la télévision, pour le cinéma. Eslavo Samba est son premier album qu'il vient de sortir à l'âge de 40 ans. On va écouter 2 pièces tirées de cet album, Sim d'abord et ensuite Casual. Nem aí, ela e eu somos caso muito raro, eu sei. Eu não tô nem aí. Muito raro, eu sei. Olha aqui pra entender, tem que ter cuidado, mas que ter cuidado desse debruçado. Olha aqui pra entender, tem que ter estado bem ali ao lado, mas que ali ao lado nela. Sim, tem que ter cuidado, mas respirado o ar daquela boca quando quis falar assim. Eu vim pra lhe dizer. Tem que ter cuidado, aquela boca quando quis falar assim. Eu vim pra lhe dizer. C'était Na Ozetti. Moi, c'est Sonia Ozetti. N-A, accent aigu. Je regrette, j'ai pas vérifié la prononciation. C'était comme Kaka Machado, c'est peut-être Kakia, quelque chose comme ça, ou Kacha. Prochaine fois, je vérifierai. On sent l'expérience de plus d'une vingtaine d'années d'analyse, d'études, de composition musicale derrière ce premier album de Machado, Eslavo, Samba, magnifique album. On va poursuivre. C'est dans le domaine des arts, on dit souvent fils de, petit-fils de, on dit souvent que c'est une lourde croix à porter. La situation d'Anelis Assumpção est différente. Son père, Itamar Assumpção, artiste complexe, est une icône culte de la scène alternative et indépendante de Sao Paulo. On est toujours à Sao Paulo. Pour Anelis, la singularité, la forte personnalité de son père aura même, au contraire, été une source d'inspiration pour trouver sa propre voix. Son deuxième album, Anelis Assumpção, Os e Os Amigos Imaginarios, montre une belle cohésion due en partie à la production du disque que la chanteuse partage avec ses musiciens et le répertoire de 11 titres, tous composés par Anelis, seul ou en collaboration avec Cheu, Alzira et Russo Passapusso et Kiko Donici. Ça montre particulièrement excellent. Ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai lu ça quelque part. Là, j'aurais dû prendre la source. Je vais me corriger à l'avenir. Mais je vais vous mettre la source sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net, lesoreillesailleurs.net, plus tard dans la journée. On va écouter d'elle qui est à con tempo de l'album Amigos Imaginarios. Et puisqu'on a parlé de la fille, on va écouter le paternel quand même, hein? Nania Van Cochelos et Itamar Assumpção dans la chanson Leonard. Ça, c'est tiré de l'album Isso Vai Dar Repercussão, d'un album de 2006. On écoute ces deux pièces. Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo dando sopa por aí. Você deve estar se perguntando o que eu tô fazendo aqui. Eu sei que isso não é hora de tocar a campainha de ninguém. Aqui fora tá frio, aqui dentro um universo de palavras, frases elaboradas, quem sabe até um pedido de desculpas, pedindo pra sair. A gente não escolhe, ou a gente escolhe certas perturbações. O céu tá escuro, mas eu quero deixar claro, eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu sei que isso não é hora de tocar a campainha de ninguém. Aqui fora tá frio, aqui dentro um universo de palavras, frases elaboradas, quem sabe até um pedido de desculpas, pedindo pra sair. A gente não escolhe, ou a gente escolhe. O céu tá escuro. conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Enquanto lá fora o trajeto é inverso. Tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui. Cê tá com tempo. Eu tô aqui. Cê tá com tempo. Eu tô aqui. Cê tá com tempo. Eu tô aqui. Cê tá com tempo. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Enquanto lá fora o trajeto é inverso. Jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Eu tô aqui. Cê tá. Eu tô aqui. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Devagar com esse andor, Leonor. Casamento é muito caro. É, sou compositor, cantor, também sou autor. Falo mais de flor do que do Leonor, mas não sou Roberto Carlos. É, não tenho carro de boi, Leonor. É nem outro tipo de carro. Meu cachê é um horror, Leonor. Não sobra nem pro cigarro. Não tenho nem gravador. É, não tenho nem gravador, Leonor. Meu São Benedito é de barro. Meu menu é feijão com arroz, que divido com mais dois, Leonor. É quando não falta trabalho. Viver somente de amor, Leonor, é tão lindo quanto precário. Tem que morar de favor, Leonor, é lá no bairro do Calvário. O que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor, Leonor. Dois galhos, três agasalhos. Cachecol de lã, gibis de tarja, gibis de terror, cobertor, quatro jogos de baralho. Um macacão furtacor, Leonor. Uma colcha de retalhos. O que não tá no penhor, Leonor, foi pra casa do Carvalho. É devagar com o sandor, é devagar com o sandor. É casamento é muito caro. É, sou compositor, cantor, também sou autor. Falo mais de flor do que do Leonor, mas não sou Roberto Carlos. É, não tenho carro de boi, Leonor. Nem outro tipo de carro. É, meu cachê é um horror, Leonor. É, não sobra nem pro cigarro. Não tenho nem gravador. É, não tenho nem gravador, Leonor. Meu São Benedito é de barro. Meu menu é feijão com arroz, que divido com mais dois, Leonor. É quando não falta trabalho. Viver somente de amor, Leonor. É tão lindo quanto precário. no bairro do Calvário, o que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor. Dois galos, três agasalhos, cachecol de lã, gibis de trás, gibis de terror, cobertor, quatro jogos de baralho. Um macacão fofinho cor, meu amor. Uma colcha de retalhos. O que não tá no penhor, meu amor. Foi pra casa do carvalho, é devagar com isso. J'ai retrouvé la source de ce que je vous racontais tantôt, c'est de Daniel Achedjian, et il est belge, je crois, d'origine. Ben, j'espère qu'il est belge, sinon il me pardonnera. Il tient un blog qui s'appelle Musique populaire brésilienne, excellent blog, très fouillé. Il va régulièrement voir des spectacles au Brésil, donc il séjourne au Brésil, il vit au Brésil. Il va régulièrement voir des spectacles et il rend compte de tout ce qu'il va voir et de tout ce qu'il peut trouver en fait de musique populaire brésilienne. On va terminer cette émission, et oui, c'est déjà la fin, avec Lolina, les natives de Recife. Lolina, elle multiplie les enregistrements autoproduits depuis qu'elle s'est établie à Sao Paulo. On est toujours à Sao Paulo, finalement. Elle a été marquée par le folk, la pop des années 60. Elle exploite ses références pour créer un corpus chansonnier de haute volée, je vous le dis. On dit d'elle qu'elle est une excellente parolière. On va écouter la chanson Historia Difficile. C'est tiré d'un album qui s'appelle Cantoras do Brasil. C'est un album paru en 2014. Et on va cesser là-dessus. Et à peine le temps de vous le dire. Je vais le faire tout de suite, tiens, de vous dire que l'émission Topic du Capricorne avec Michel Bonaparte suit. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, très belle nuit pour les gens qui nous écoutent d'Europe et une bonne semaine. Au revoir. Permita mesmo que os diminutivos coloque os conspicuos pela sua ausência. Falando em alta estrutura, eleva logicamente falando e vocabularizando a frase hipotética, estética e filosófica das criaturas. Proscrita lógica e de brincadeira, mas que indeniza a humanidade inteira. Permita mesmo que os diminutivos coloque os conspicuos pela sua ausência. Falando em alta estrutura, eleva logicamente falando e vocabularizando a frase hipotética, estética e filosófica das criaturas. Proscrita lógica e de brincadeira, mas que indeniza a humanidade inteira. Nos compassos panteístas da protofonia, de linguagem sambista e poemas bucólicos, eu já fiz até a estatística dos inocentes e dos melancólicos. Na sintetização sutil de forças estáticas de um micro-organismo incipiente,